Monsieur, vous êtes un piètre amant, le corps de la femme est un mystère pour vous. Découvrez la collection « Comment ça marche, les zones érogènes féminines délaissées ». Nuque, seins, fesses, avec la collection « Les zones érogènes féminines délaissées », devenez un expert en la matière et passez du statut de loser à celui de super coup. Grâce à la collection « Les zones érogènes féminines délaissées », les femmes ne parleront plus que de vous. Le premier numéro, le clitoris, où le trouver, comment s'en servir et son fascicule pour 299 € seulement chez votre marchand de journaux. La collection « Comment ça marche, les zones érogènes féminines délaissées », une collection aïe aïe aïe. Ça va pas la tête.